Quelle est la signalisation qui indique que les barrières sont fermées? Cas numéro 1, réponse A. Cas numéro 2, réponse B. Cas numéro 3, réponse C. Cas numéro 4, réponse D.